Chapitre 4. Derrière son guide, le détective traversa le magasin, puis une vaste arrière-boutique. Il arriva dans une petite cour qu'il dépassa et s'engagea dans une infinité de couloirs compliqués qu'il menèrent devant un escalier qu'il gravit. Cet escalier, éclairé par des lanternes de papier, débouchait dans une sorte d'antichambre aux murailles blanchies à la chaux. Lampoun la traversa sans mot dire et pénétra dans une sorte de chapelle au fond de laquelle 6 petites bougies parfumées brûlaient devant une statue de Bouddha en répandant une faible lueur. « Attends ici, » dit-il, et faisant demi-tour, il disparut. Ikoteruka resta seul. Malgré son courage et sa perspicacité, il était loin d'être rassuré. Quelques minutes qui lui semblèrent interminables s'écoulèrent. Brusquement, une porte dissimulée derrière la statue de Bouddha s'ouvrit. Un petit homme, presque aussi gros que large, apparut. « Qui es-tu » demanda-t-il en examinant Ikoteruka d'un air méfiant. Ikuteruka, tranquillement, débita sa petite histoire et affirma qu'il venait de la part de son oncle Chou, pour le compte duquel il avait guetté un homme qui était entré chez le commissaire central et qui en était sorti. « Où est-il allé ? » demanda le petit homme. « Comment était-il ? Réponds, sans te tromper. » Ikuteruka déclara que c'était un Chinois de taille moyenne et qu'il était entré dans la boutique d'un tailleur de la rue des Moé. « Approche un peu, laisse-moi voir quelque chose. » fit le petit Chinois qui, soudain, bondit vers Ikuteruka et lui arracha la natte postiche qu'il avait enroulée autour de son crâne. Ikuteruka s'attendait à tout. Son poing s'abattit instantanément sur le crâne du Chinois qui, assommé, tomba sans un cri. Ikuteruka le traîna aussitôt derrière la statue de Bouddha et ouvrit la porte par laquelle l'homme était entré. Il la passa et pénétra dans une longue salle où des caisses et des ballots étaient entassés. Ikuteruka la traversa sans s'arrêter et ouvrit une porte qu'il vit devant lui. Une douce musique parvint à ses oreilles. Il aperçut une demi-douzaine de Chinois qui, tendus sur des nattes, fumaient des pipes d'opium. Dans un angle de la pièce, plusieurs musiciens faisaient résonner des violons à une corde et des flûtes de bambou. Mais ce qui frappa Ikuteruka, ce fut un jeune Japonais qui était couché parmi les Chinois. Il cria « Mitsui Jinzo ?» Le jeune Nippon se redressa. Ikuteruka comprit que c'était le fils du baron Jinzo qui l'avait devant les yeux. Que faisait-il là? Sans doute était-il complice des voleurs de l'argent de son père? Ikuteruka ne put en savoir davantage, car des hurlements retentirent. Des détonations claquèrent. Une gerbe de balles siffla ses oreilles et s'enfonça dans le panneau laqué de la porte. Ikuteruka n'eut que le temps de se baisser, de faire demi-tour et de fuir à toutes jambes. Mais une légion de démons jaunes se ruèrent aussitôt à sa poursuite. Comme un fou, il traversa plusieurs salles, descendit un escalier, passa à travers plusieurs couloirs, et soudain aperçut devant lui une nouvelle troupe de célestes. Ainsi il était pris entre deux feux. Il revint sur ses pas, vit une fenêtre, l'ouvrit. Elle donnait sur un balcon. Ikuteruka enjamba le garde-fou, et d'une hauteur de 5 mètres, sauta sur le pavé et tomba dans une cour. Un Chinois, armé d'un grand couteau, se précipita sur lui. Ikuteruka évita d'un saut l'atteinte de son arme et d'un coup de tête dans le ventre l'envoya rouler contre la muraille. S'étant ainsi frayé un chemin, le grand détective bondit vers une porte entr'ouverte et la passa. Elle donnait dans l'arrière-boutique de l'épicerie Lampoon. Ikuteruka fila comme une flèche vers le magasin. Il allait l'atteindre lorsque 2 nouveaux agresseurs lui barrèrent le chemin. Ikuteruka s'arrêta. Tout près de lui, il vit un baril d'algues marinées. Il le souleva et, d'un élan furieux, l'abattit sur le plus proche des 2 célestes qui tomba écrasé. Le second, terrifié, recula. Ikuteruka l'assomma à l'aide d'une cassette de thé qui lui projeta sur la tête. Cette fois, le passage était libre. Ikuteruka en profita pour traverser la boutique et gagner la rue. Il ne fut pas poursuivi davantage et put gagner le bureau de poste le plus proche, d'où il téléphona immédiatement au commissaire central de police pour le prévenir de ce qu'il avait vu. Mais quand les policiers, 1 heure plus tard, se présentèrent chez Lampoon, ils ne trouvaient rien de suspect. Lampoon les reçut et déclara qu'il ne comprenait rien aux méfaits dont on l'accusait. Il ne connaissait pas de jeunes Japonais et personne n'était venu chez lui. Les policiers perquisitionnèrent aussitôt et ne découvrirent aucune trace de ce qui s'y était passé. Ils pensèrent que Ikuteruka avait rêvé.